Shock. L'amour est doux douce. Ma zone n'a comme un autre côté de la vie. On a voulu me la pesa qui a les amas réciprocité. Et au cosine, il a basse à mon amour. Oui, comme un cata et pas les embêter. Je me reconnais, il y a un amour de maille à mon tour à la place à ta terre. Ma soeur, il y a un côté cochon, il est qui m'a cassé. Autant la Sandra Kameke prend Papicho par la main. Pacho Muluba silence d'or. Et l'os de l'île. Gérard Land de l'espoir de Chicago. Patrick de Panama, Papi Sekouchou. Baba Nikina Express, Issa Japan, Laure Malalou London, Kivé Kivé. Banaloa Arieto Kapangala, le champion d'homme à la rôle, c'est Azabu Kiola, c'est Kiola. Tonton Das Mampouya de Paris.